Livre quatrième, Éloquence. Chapitre premier, du christianisme dans l'éloquence. Le christianisme fournit tant de preuves de son excellence que, quand on croit n'avoir plus qu'un sujet à traiter, soudain, il s'en présente un autre, sous votre plume. Nous parlions des philosophes, et voilà que les orateurs viennent nous demander si nous les oublions. Nous raisonnions sur le christianisme dans les sciences et dans l'histoire, et le christianisme nous appelait pour faire voir au monde les plus grands effets de l'éloquence connus. Les modernes doivent à la religion catholique cet art du discours qui, en manquant à notre littérature, eût donné au génie antique une supériorité décidée sur le nôtre. C'est ici un des grands triomphes de notre culte. Et quoi qu'on puisse dire à la louange de Cicéron et de Démosthène, Massillon et Bossuet peuvent sans crainte leur être comparés. Les anciens n'ont connu que l'éloquence judiciaire et politique. L'éloquence morale, c'est-à-dire l'éloquence de tout temps, de tout gouvernement, de tout pays, n'a paru sur la terre qu'avec l'Évangile. Cicéron défend un client, Démosthène combat un adversaire ou tâche de rallumer l'amour de la patrie chez un peuple dégénéré. L'un et l'autre ne savent que remuer les passions et fondent leur espérance de succès sur le trouble qu'ils jettent dans les cœurs. L'éloquence de la chair à chercher sa victoire dans une région plus élevée. C'est en combattant les mouvements de l'âme qu'elle prétend la séduire. C'est en apaisant les passions qu'elle s'en veut faire écouter. Dieu et la charité, voilà son texte, toujours le même, toujours inépuisable. Il ne lui faut ni les cabales d'un parti, ni des émotions populaires, ni de grandes circonstances pour briller. Dans la paix la plus profonde, sur le cercueil du citoyen le plus obscur, elle trouvera ses mouvements les plus sublimes. Elle saura intéresser pour une vertu ignorée. Elle fera couler des larmes pour un homme dont on n'a jamais entendu parler. Incapable de crainte et d'injustice, elle donne des leçons au roi, mais sans les insulter. Elle console le pauvre, mais sans flatter ses vices. La politique et les choses de la terre ne lui sont point inconnues, mais ces choses, qui faisaient les premiers motifs de l'éloquence antique, ne sont pour elle que des raisons secondaires. Elle les voit des hauteurs où elle domine, comme un aigle aperçoit du sommet de la montagne des objets abaissés de la plaine. Ce qui distingue l'éloquence chrétienne de l'éloquence des Grecs et des Romains, c'est cette tristesse évangélique qui en est l'âme, selon la Bruyère. Cette majestueuse mélancolie dont elle se nourrit, on lit une fois, deux fois peut-être, les Vérines et les Catilinaires de Cicéron, l'Oraison pour la couronne et les Philippiques de Démosthène. Mais on médite sans cesse, on feuillette nuit et jour, les Oraisons funèbres de Bossuet et les Sermons de Bourdaloue et de Massillon. Les discours des orateurs chrétiens sont des livres, ceux des orateurs de l'Antiquité ne sont que des discours. Avec quel goût merveilleux les saints docteurs ne réfléchissent-ils point sur les vanités du monde ? Toute notre vie, disent-ils, n'est qu'une ivresse d'un jour, et vous employez cette journée à la poursuite des plus folles illusions. Vous atteindrez au comble de vos vœux, vous jouirez de tous vos désirs, vous deviendrez roi, empereur, maître de la terre. Un moment encore, et la mort effacera ses néants avec votre néant. Ce genre de méditation, si grave, si solennelle, si naturellement portée au sublime, fut totalement inconnu des orateurs de l'Antiquité. Les païens se consumaient à la poursuite des ombres de la vie. Ils ne savaient pas que la véritable existence ne commence qu'à la mort. La religion chrétienne a seule fondé cette grande école de la tombe, où s'instruit l'apôtre de l'Évangile. Elle ne permet plus que l'on prodigue, comme les demi-sages de la Grèce, l'immortelle pensée de l'homme à des choses d'un moment. Au reste, c'est la religion qui, dans tous les siècles et dans tous les pays, a été la source de l'éloquence. si Démosthène et Cicéron ont été de grands orateurs, c'est qu'avant tout ils étaient religieux. Les membres de la Convention, au contraire, n'ont offert que des talents tronqués et des lambeaux d'éloquence, parce qu'ils attaquaient la foi de leur père et s'interdisaient ainsi les inspirations du cœur. Chapitre 2. Des orateurs, les pères de l'Église. L'éloquence des docteurs de l'Église a quelque chose d'imposant, de fort, de royal, pour ainsi parler, et dont l'autorité vous confond et vous subjugue. On sent que leur mission vient d'en haut et qu'ils enseignent par l'ordre exprès du Tout-Puissant. Toutefois, au milieu de ces inspirations, leur génie conserve le calme et la majesté. Saint Ambroise est le fénelon des pères de l'Église latine. Il est fleuri, doux, abondant, et à quelques défauts près, qui tiennent à son siècle, ses ouvrages offrent une lecture aussi agréable qu'instructive. Pour s'en convaincre, il suffit de parcourir le traité de la virginité et l'éloge des patriarches. Quand on nomme un saint aujourd'hui, on se figure quelques moines grossiers et fanatiques, livrés par imbécilité ou par caractère à une superstition ridicule. Augustin offre pourtant un autre tableau. Un jeune homme ardent et plein d'esprit s'abandonne à ses passions. Il épuise bientôt les voluptés et s'étonne que les amours de la terre ne puissent remplir le vide de son cœur. Il tourne son âme inquiète vers le ciel. Quelque chose lui dit que c'est là qu'habite cette souveraine beauté, après laquelle il soupire. Dieu lui parle tout bas, et cet homme du siècle, que le siècle n'avait pu satisfaire, trouve enfin le repos et la plénitude de ses désirs dans le sein de la religion. Montaigne et Rousseau nous ont donné leur confession. Le premier s'est moqué de la bonne foi de son lecteur. Le second a révélé de honteuses turpitudes en se proposant, même au jugement de Dieu, pour un modèle de vertu. C'est dans les confessions de saint Augustin qu'on apprend à connaître l'homme tel qu'il est. Le saint ne se confesse point à la terre, il se confesse au ciel. Il ne cache rien à celui qui voit tout. C'est un chrétien à genoux dans le tribunal de la pénitence, qui déplore ses fautes et qui les découvre afin que le médecin applique le remède sur la plaie. Il ne craint point de fatiguer par des détails celui dont il a dit ce mot sublime « Il est patient parce qu'il est éternel ». Et quel portrait ne nous fait-il point du Dieu auquel il confie ses erreurs ?« Vous êtes infiniment grand, dit-il, infiniment bon, infiniment miséricordieux, infiniment juste. Votre beauté est incomparable, votre force irrésistible, votre puissance sans bornes. Toujours en action, toujours en repos, vous soutenez, vous remplissez, vous conservez l'univers. Vous aimez sans passion, vous êtes jaloux sans trouble. Vous changez vos opérations et jamais vos desseins. Mais que vous dis-je ici, ô mon Dieu, et que peut-on dire en parlant de vous ? Le même homme qui a tracé cette brillante image du vrai Dieu va nous parler à présent avec la plus aimable naïveté des erreurs de sa jeunesse. Je partis enfin pour Carthage. Je n'y fus pas plus tôt arrivé que je me vis assiégé d'une foule de coupables amours qui se présentaient à moi de toutes parts. Un état tranquille me semblait insupportable, et je ne cherchais que les chemins pleins de pièges et de précipices. Mais mon bonheur eût été d'être aimé, aussi bien que d'aimer, car on veut trouver la vie dans ce qu'on aime. Je tombai enfin dans les filets où je désirais d'être pris. Je fus aimé, et je possédais ce que j'aimais. Mais, ô mon Dieu, vous me fîtes alors sentir votre bonté et votre miséricorde, en m'accablant d'amertume, car, au lieu des douceurs que je m'étais promises, je ne connus que jalousie, soupçons, crainte, colère, querelles et emportements. Le ton simple, triste et passionné de ce récit, ce retour vers la divinité et le calme du ciel, au moment où le saint semble le plus agité par les illusions de la terre et par le souvenir des erreurs de sa vie, tout ce mélange de regrets et de repentirs est plein de charme. Nous ne connaissons point de mots, de sentiments plus délicats que celui-ci. Mon bonheur eût été d'être aimé aussi bien que d'aimer, car on veut trouver la vie dans ce qu'on aime. C'est encore saint Augustin qui a dit cette parole. Une âme contemplative se fait à elle-même une solitude. La Cité de Dieu, les Épîtres et quelques traités du même père sont pleins de ces sortes de pensées. Saint Jérôme brille par une imagination vigoureuse que n'avait pu éteindre chez lui une immense érudition. Le recueil de ses lettres est un des monuments les plus curieux de la littérature des pères. Ainsi que saint Augustin, il y trouva son écueil dans les voluptés du monde. Il aime à peindre la nature et la solitude. Du fond de sa grotte de Bethléem, il voyait la chute de l'Empire romain, vaste sujet de réflexion pour un saint anachorète. Aussi la mort et la vanité de nos jours sont-elles sans cesse présentes à saint Jérôme. « Nous mourrons et nous changeons à toute heure », écrit-il à un de ses amis. « Et cependant, nous vivons comme si nous étions immortels. Le temps même que j'emploie ici à dicter, il le faut retrancher de mes jours. Nous nous écrivons souvent, mon cher Héliodore. Nos lettres passent les mers, et à mesure que le vaisseau fuit, notre vie s'écoule. Chaque flot en emporte un moment. » De même que saint Ambroise est le fénelon des pères, Tertullien en est le Bossuet. Une partie de son plaidoyer en faveur de la religion pourrait encore servir aujourd'hui dans la même cause. Chose étrange que le christianisme soit maintenant obligé de se défendre devant ses enfants comme il se défendait autrefois devant ses bourreaux, et que l'apologétique aux gentils soit devenue l'apologétique aux chrétiens. Ce qu'on remarque de plus frappant dans cet ouvrage, c'est le développement de l'esprit humain. On entre dans un nouvel ordre d'idées. On sent que ce n'est plus la première antiquité ou le bégaiement de l'homme qui se fait entendre. Tertullien parle comme un moderne. Ses motifs d'éloquence sont pris dans le cercle des vérités éternelles, et non dans les raisons de passion et de circonstances employées à la tribune romaine ou sur la place publique des Athéniens. Ces progrès du génie philosophique sont évidemment le fruit de notre religion. Sans le renversement des faux dieux et l'établissement du vrai culte, l'homme aurait vieilli dans une enfance interminable, car étant toujours dans l'erreur par rapport au premier principe, ses autres notions se fussent plus ou moins ressenties du vice fondamental. Les autres traités de Tertullien, en particulier ceux de la patience, des spectacles, des martyrs, des ornements des femmes et de la résurrection de la chair, sont semés d'une foule de beaux traits. « Je ne sais, dit l'orateur en reprochant le luxe aux femmes chrétiennes, je ne sais si des mains accoutumées aux bracelets pourront supporter le poids des chaînes, si des pieds ornés de bandelettes s'accoutumeront à la douleur des entraves. Je crains bien qu'une tête couverte de réseaux de perles et de diamants ne laisse aucune place à l'épée. » Ces paroles, adressées à des femmes qu'on conduisait tous les jours à l'échafaud, étincellent de courage et de foi. Nous regrettons de ne pouvoir citer tout entière l'épître aux martyrs, devenue plus intéressante pour nous depuis la persécution de Robespierre. « Illustre confesseur de Jésus-Christ, s'écrie Tertullien, un chrétien trouve dans la prison les mêmes délices que les prophètes trouvaient au désert. Ne l'appelez plus un cachot, mais une solitude. Quand l'âme est dans le ciel, le corps ne sent point la pesanteur des chaînes. Elle emporte avec soi tout l'homme. » Ce dernier trait est sublime. C'est du prêtre de Carthage que Bossuet a emprunté ce passage si terrible et si admiré. Notre chair change bientôt de nature, notre corps prend un autre nom, même celui de cadavre, dit Tertullien, parce qu'il nous montre encore quelques formes humaines, ne lui demeure pas longtemps. Il devient je ne sais quoi qui n'a plus de nom dans aucune langue. Tant il est vrai que tout meurt en lui, jusqu'à ces termes funèbres par lesquels on exprime ses malheureux restes. Tertullien était fort savant, bien qu'il s'accuse d'ignorance, et l'on trouve dans ses écrits des détails sur la vie privée des Romains qu'on chercherait vainement ailleurs. De fréquents barbarismes, une latinité africaine, déshonore les ouvrages de ce grand orateur. Il tombe souvent dans la déclamation et son goût n'est jamais sûr. Le style de Tertullien est de fer, disait Balzac, mais avouons qu'avec ce fer, il a forgé d'excellentes armes. Selon Lactance, surnommé le Cicéron chrétien, saint Cyprien est le premier père éloquent de l'Église latine. Mais saint Cyprien imite presque partout Tertullien, en affaiblissant également les défauts et les beautés de son modèle. C'est le jugement de la harpe dont il faut toujours citer l'autorité en critique. Parmi les pères de l'Église grecque, deux seuls sont très éloquents, saint Chrysostome et saint Basile. Les homélies du premier sur la mort et sur la disgrâce d'Eutrope sont des chefs-d'œuvre. La diction de saint Chrysostome est pure, mais laborieuse. Il fatigue son style à la manière d'Isocrate. Aussi Libanius lui destinait-il sa chaire de rhétorique avant que le jeune orateur fût devenu chrétien. Avec plus de simplicité, saint Basile a moins d'élévation que saint Chrysostome. Il se tient presque toujours dans le ton mystique et dans la paraphrase de l'écriture. Saint Grégoire de Nazianze, surnommé le théologien, outre ses ouvrages en prose, nous a laissé quelques poèmes sur les mystères du christianisme. Il était toujours en sa solitude d'Arianze, dans son pays natal, dit Fleury. Un jardin, une fontaine, des arbres qui lui donnaient du couvert, faisaient toutes ses délices. Il jeûnait, il priait avec abondance de larmes. Ces saintes poésies furent les occupations de saint Grégoire dans sa dernière retraite. Il y fait l'histoire de sa vie et de ses souffrances. Il prie, il enseigne, il explique les mystères et donne des règles pour les mœurs. Il voulait donner à ceux qui aiment la poésie et la musique des sujets utiles pour se divertir et ne pas laisser aux païens l'avantage de croire qu'ils fussent les seuls qui pussent réussir dans les belles lettres. Enfin, celui qu'on appelait le dernier des pères, avant que Bossuet eût paru, saint Bernard joint à beaucoup d'esprit une grande doctrine. Il réussit surtout à peindre les mœurs. Il avait reçu quelque chose du génie de Théophraste et de la Bruyère. L'orgueilleux, dit-il, a le verbe haut et le silence boudeur. Il est dissolu dans la joie, furieux dans la tristesse, déshonnête au dedans, honnête au dehors. Il est roide dans sa démarche, aigre dans ses réponses, toujours fort pour attaquer, toujours faible pour se défendre. Il cède de mauvaise grâce, il importune pour obtenir, il ne fait pas ce qu'il peut et ce qu'il doit faire. Mais il est prêt à faire ce qu'il ne doit pas et ce qu'il ne peut pas. N'oublions pas cette espèce de phénomène du XIIIe siècle, le livre de l'imitation de Jésus-Christ. Comment un moine renfermé dans son cloître, a-t-il trouvé cette mesure d'expression? A-t-il acquis cette fine connaissance de l'homme au milieu d'un siècle où les passions étaient grossières et le goût plus grossier encore? Qui lui avait révélé dans sa solitude ces mystères du cœur et de l'éloquence? Un seul maître, Jésus-Christ.